Chapitre 12. Six jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où vivait Lazare, l'homme qu'il avait ramené de la mort à la vie. Là, on lui offrit un repas que Marthe servait. Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur, et le répandit sur les pieds de Jésus, puis elle les essuya avec ses cheveux. Toute la maison se remplit de l'odeur du parfum. L'un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, celui qui allait le trahir, dit alors: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 pièces d'argent, pour les donner aux pauvres? Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Il tenait la bourse et prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: Laisse-la tranquille. Laisse-la garder ce qu'elle a pour le jour où l'on me mettra au tombeau. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. La foule nombreuse des Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Ils y allèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare que Jésus avait ramené de la mort à la vie. Les chefs des prêtres décidèrent alors de faire mourir aussi Lazare, parce qu'à cause de lui, beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus. Le lendemain, la foule nombreuse qui était venue pour la fête de la Pâque apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Ils prirent alors des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre. « Louange à Dieu » criaient-ils. « Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse le roi d'Israël. » Jésus trouva un âne et s'assit dessus, comme le déclare l'Écriture. « N'aie pas peur, ville de Sion, regarde ton roi vient, assis sur un ânon. » Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord. Mais lorsque Jésus eut reçu sa gloire, ils se rappelèrent que l'Écriture avait annoncé cela à son sujet et qu'on l'avait accompli pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ramené de la mort à la vie, racontaient ce qu'ils avaient vu. C'est pourquoi la foule vint à sa rencontre, parce qu'ils avaient appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent alors entre eux, « Vous voyez que vous n'y pouvez rien. » Tout le monde s'est mis à le suivre. Quelques Grecs se trouvaient parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent, « S'il te plaît, nous désirons voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est maintenant venue où le Fils de l'homme va recevoir sa gloire. Oui, je vous le déclare. Un grain de blé reste un seul grain s'il ne tombe pas en terre et ne meurt pas. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de grains. Celui qui est attaché à sa vie la perdra. Mais celui qui ne fait aucun cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, il doit me suivre. Ainsi mon serviteur sera aussi là où je suis. Mon Père honore celui qui me sert. Maintenant mon cœur est troublé. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de ce qui va arriver en cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu, pour passer par cette heure de souffrance. Père, donne gloire à ton nom. » Une voix se fit alors entendre du ciel, « Je lui ai déjà donné gloire. Et je le ferai de nouveau. » La foule qui se trouvait là et avait entendu la voix disait, « C'était un coup de tonnerre. » « Un ange lui a parlé, » disaient d'autres. Mais Jésus leur déclara, « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais pour vous. C'est maintenant le moment où ce monde va être jugé. Maintenant le dominateur de ce monde va être chassé. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Par ces mots, il indiquait de quel genre de mort il allait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris dans les livres de notre loi que le Messie vivra toujours. Alors, comment peux-tu dire que le Fils de l'homme doit être élevé? Qui est ce Fils de l'homme ? »